17, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate. Play it straight. You know. Keep it real, for you know way, for you know way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you know you can always go and regulate. The world needs wannabes, the world loves wannabes, so let's get some more wannabes. Hey, do that right. In our lab, looking through the microscope, the little glass eyes, they never lie. How can this fall my cope? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. De vie me coûte cher et je suis volé. Par exemple, j'aurais mauvaise grâce de me plaindre. L'argent me coule entre les doigts. J'aime le jeu, ou pour mieux dire, j'aime à courir ma chance. I run the risk of losing you, and that's worse. To destroy and honey, I vacation in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Je me promène, c'est avec quelqu'un que je sais assez riche pour tenir un pari et régler la perte sans se ruiner. Je tire un sou de ma poche. Pile ou face ? Oh, combien en jeu ? Oh, 100 livres, 2500 francs. J'aime le jeu et je consens à jouer avec des Grecs. Je les connais pour ce qu'ils sont. Je sais que leur métier est de tricher et que je ne suis pas de force, tant mieux. Ma chance est plus faible, l'émotion plus forte. Donc j'ai besoin de beaucoup d'argent. Il me faut un gros, un énorme butin. Mais où le trouver? Je médite là-dessus. Yeah. Avoir envisagé et rejeté bien des projets, une réflexion me séduit. Je la creuse, je me renseigne. C'est décidé, je vais au Cap. Ce sera Charlie King que je vais prendre avec moi, associé à ma fortune. Il connaît Cape Town. C'est un fameux atout dans son jeu de savoir se diriger dans la localité où on va opérer. On évite des tâtonnements, des imprudences, on gagne du temps. Opérer vite et à coup sûr, c'est dans ma partie un gage de succès. Yes, this is the campaign, slithered in jails in the cargo bay. Turd is a vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx, it has access now. Get away, get away, Seldom do these words ring true when I'm constantly failing you. Oh, mais j'ai pas plus que vous envie d'une cravate de chanvre. S'il n'y a pas moyen de subtiliser proprement les diamants, on n'y touchera pas. Ce serait le diable si nous ne trouvions rien d'autre dans ce cas pour nous rattraper des frais du voyage. Bon, alors j'en suis. Au Cap, j'apporte à leur adresse mes lettres de recommandation chez de petits commerçants, des boutiquiers et de braves gens. Je formule insidieusement mes questions, qu'ils me conseillent ce que je suggère. En conformité de leur avis, je loue un modeste logement avec un petit magasin. Je trouve cela près de la poste. J'achète une carriole, un double poney. Elle est la pâte de haine, dormant là-haut le ciel a... devant une fille née. Il me faut des lunettes pour voir à quelques mètres. Je ne distingue rien au petit matin. Tout le monde me dit que c'est à cause de mes cheveux. J'avais le front à l'air, les oreilles dans le vent, l'air très intelligent. Faut dire que j'ai un front qui ressemble à un ballon, les oreilles en avant, j'ai l'air d'un éléphant. Et nous voilà, Charlie et moi, voyageant par monts et par vous dans le sud africain. Nous allons de ferme en ferme, nous informant si on a des plumes d'autruche, combien on en demande. Pas un de ces rustres ne se méfie. Ils parlent, font les beaux esprits. Tous se moquent de notre gaucherie, de notre naïveté. Mais à leur insu, ils nous renseignent. À la mine, rien à faire. Nous n'aurons pas besoin d'y aller pour nous en rendre compte. Nous savons maintenant qu'on serre les diamants par l'eau dans une boîte d'acier fermée à clé et cachetée. Cette boîte est déposée dans une petite voiture blindée, solide et légère. On plombe la portière, on la ferme à clé, on la cadenasse. Ignore the rounds, gonna see just a night shift crew. Police car! un cocher, juché sur un siège élevé, conduit à vive allure ses deux chevaux. Herboer, à cheval, son fusil armé au poing, l'escorte. Nous avons rencontré la voiture. Mais ce qu'il était grand, ce Boer, il n'avait pas du tout l'air commode. Je reste rêveur. Charlet a un plan. Oui, peut-être bien. Bon, je ne dis ni oui ni non. Je pense qu'il faut gagner du temps. Cette voiture est destinée à arriver à Cape Town en concordance avec le départ du steamer sur Londres. Si l'on pouvait lui faire manquer le bateau. Oui, mais comment? Nous étudions la route et chaque accident de terrain. Charles King se moque. Lui qui d'abord ne voulait rien savoir, témoigne maintenant de son impatience. I want to be stereotyped. I want to be classified. To be classified. Got up this morning to make some coffee. Everything sucks today. Played someone out of Hitman to haunt me. Everything sucks today. Got up on the rocks of life this morning. Nothing today is gonna go my way. Hope's gonna tell me lies this morning. I don't think anything's gonna be okay. Today, everything sucks today. Everything sucks today. Everything sucks today. Buckled in a car when the rum was on me. Everything sucks today. Flat tire in my car, so I guess I'm walking. Everything sucks today. Tax man came and took my money. reçoit sur la tête, c'est vrai, mais enfin, elle le reçoit tout de même. La chose mérite une explication. Et l'explication, la voici. Vous allez voir, c'est très touchant. Figurez-vous que cette petite bête eut le malheur, cet an dernier, de faire une mauvaise connaissance. Tranquillement, sans songer à mal, elle venait de prendre sa leçon de chant, quand, avec un effroi, d'ailleurs bien légitime, elle s'aperçut qu'elle était suivie. Right. y a des malhonnêtes gens partout, même dans le monde des fauvettes. À l'oreille de la pauvre petite, une voix qui s'efforçait d'être engageante chantait « Mademoiselle, écoutez-moi donc, vous me faites l'effet d'une assez bonne fille. Mademoiselle, écoutez-moi donc, si vous êtes bonne fille, moi je suis brave garçon. » La petite fauvette répondit aussitôt avec une indignation mal dissimulée « Non, monsieur, je ne vous écoute pas, je suis une fauvette de bonne famille. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, vous perdez votre temps, votre peine et votre part. » On est les shérifs et on fait du bruit. Le soleil de Californie. suiveur continua. Mademoiselle, écoutez-moi donc. Il ne faut pas comme ça se monter la tête. Mademoiselle, écoutez-moi donc. Il ne faut pas comme ça se monter le bourrichon. À quoi la petite fauvette répliqua sévèrement. Non, monsieur, je ne vous écoute pas. Je suis une fauvette pauvre mais la note. Non, monsieur, je ne vous écoute pas. J'ai reçu des principes et je n'en sors pas. Le suiveur n'était pas de ceux qui se débragent pour si bonnes choses. Il reprit avec entêtement. Mademoiselle, écoutez-moi donc. On ne court pas comme ça, toute seule, dans la rue. Mademoiselle, écoutez-moi donc, c'est très imprudent de sortir sans chaperon. I said I'd be there, but I'd dress up. I know if you just la petite fauvette, pour le coup, se mit tout de bon en colère. « Non, monsieur, je ne vous écoute pas. Je suis une fauvette, je ne suis pas une grue. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, et j'appelle au secours si vous faites un pas. » Tout cela devait finir par un cataclysme. La petite fauvette, qui avait un fond de vice malgré sa bonne éducation, protesta de moins en moins haut, jusqu'au moment où elle ne protesta plus du tout. Promise time. sur quoi l'aimable suiveur lui offrit de la mettre dans ses meubles. Elle était bête, la petite fauvette. Mon Dieu, oui. C'est fort agréable à confesser, mais elle était bête comme une oie. Elle accepta, pour argent comptant, les propositions du jeune drôle, lequel, naturellement, s'empressa de la planter là, après avoir abusé lâchement de sa jeunesse et de son inexpérience. We'll be right back. Et comme cela depuis que le monde est monde. Et cependant, tant qu'il continuera à l'être, il y aura de petites fauvettes assez nigaudes pour se laisser mettre dedans. Bref, rester seul avec son déshonneur et une grossesse avancée, et n'osant pas retourner chez sa mère par peur de recevoir des calottes, la petite fauvette alla cacher sa honte dans la boîte à journaux que M. de Caussembourg, maître des coudes s'il pleut, Seine-et-Marne, a cloué entre deux barreaux de la grille de son jardin. La petite fauvette se plut tout de suite dans son nouvel appartement. Suicide fever. suicide fever. Ce n'était pas très vaste et c'était éclairé d'en haut à la manière des mansardes. Mais le souvenir de Jenny l'ouvrière l'aida à faire bon marché de ce léger inconvénient. Le principal, c'était l'extrême sécheresse du local et la certitude pour sa petite famille d'être pas trempée quand il tomberait de l'eau. En conséquence, elle procéda à sa modeste installation. Et ceci fait, elle fit ses couches, qui furent heureuses à souhait. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street, and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! One step beyond! We'll be right back. If it ain't fixed, don't break it. When the train breaks, you can take it. Kill a werewolf with a stake it. Bring the sky down while we're waiting. Put a line out of cup bacon. Drop a dime now for Satan. Where's your black gown? If you find out you're mistaken, give exactly what you're taking. When